bless you, and speak to your people in the name of Jesus. Father, we give you all the glory. And everyone say amen. Amen. Hallelujah. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. I'm happy to see you tonight. Je suis content de vous voir ce soir. Being our first weekday service. Ce sera notre premier service de semaine de l'année. Hallelujah. Amen. Since January 2016. Depuis janvier 2016. Hallelujah. Amen. And I believe that today you'll be blessed. Et je crois qu'aujourd'hui tu seras béni. Hallelujah. Amen. I want to share something. Je veux partager quelque chose. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? 1 Corinthians chapter 14 verse 10. 1 Corinthiens 14, 10. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians chapter 14 verse 10. 1 Corinthiens 14, 10. Hallelujah. Amen. Yeah. Are you there? There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Hallelujah. Amen. There are so many kinds of voices. Il y a tellement de types de voix. Well, dans ce monde. And every one of them. Et chacune d'entre elles. As the Bible is saying. Comme la Bible dit. Has a meaning. A une signification. Hallelujah. Amen. Are you here? Are you listening? Est-ce que vous comprenez? Has a meaning. Ça a une signification. So. Donc. One of the things. L'une des choses. Or one of the problems that as Christians we have. L'un des problèmes que nous avons en tant que chrétiens. Amen. Amen. Is in our decision taking. C'est dans le fait, dans les décisions que nous. Or the things that we want to do. Ou les choses que nous voulons faire. Amen. Amen. Are you here? And the problem is. Et le problème c'est. How do you know that what you are going to do is going to work? Comment est-ce que tu sais que ce que tu es sur le point de faire va marcher? Hallelujah. Amen. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Your problem? C'est pas ça votre problème? Is that not your problem? C'est pas votre problème? That this going to do. Que cette chose que je vais will faire, it work? Est-ce que ça va fonctionner? Or is it the will of God? Ou est-ce que c'est la volonté de Dieu? If you are serious Christian, I'm sure you will say that it's true. Si tu es un chrétien sérieux, tu dis que c'est vrai. Is it true? C'est vrai ou c'est yeah. faux? Like you're going to marry somebody. Tu vas épouser quelqu'un? Is it the will of God? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Is it that one? That one. Celui-là. That one. Is it the will of God? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Hallelujah. Amen. And so that is one of the things that prevents us. We don't know how to hear the voice of God. If we don't know how to walk according to the will of God, we find ourselves that we take decisions. We take decisions. Nous prenons les décisions. And we look back. Et nous regardons en arrière. And we wish we could change. Et nous souhaitons qu'on puisse changer. The decision we took some time ago. Décision qu'on avait prise auparavant. Because we find ourselves. Parce qu'on s'est retrouvé dans un problème sérieux. We find that we realize that we made mistakes. On réalise qu'on a fait des erreurs. Hallelujah. Amen. Are you here? Yeah. So, it's one of the things. And even in the world. Et même dans le monde. The unbelievers. Les incroyants. Hallelujah. Amen. They want to know the future. Ils veulent savoir le futur. Do they do it or they don't do it? Ils font ça ou bien? They go and see astrologers. Ils vont voir des astrologues. And they go and see. Et même certains chrétiens vont voir des astrologues. Is it not true? C'est vrai ou c'est faux? Someone, you want to read that thing, the astrologer. Donc, certains d'entre vous, vous voulez lire l'horoscope chaque jour. Is it true? C'est vrai ou c'est faux? They are Christians. Vous êtes des chrétiens. Some people go and see charlatans. Certains vont voir des charlatans. Yeah, you are a Christian, you are in church. Tu es un chrétien et tu es à l'église. Some people wear some things on your hand. Certains portent certaines choses sur leurs mains. That the juju man has given. Que le charlatan leur a donné. Yeah, it's true or it's not true? C'est faux. And they come to church. Oh. Et ils viennent à l'église. And you are looking at me, I'm looking at you. Et tu me regardes et je te regarde. Hallelujah. Amen. But, mais, as a Christian, en tant que chrétien, God has given us Holy Spirit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. The Holy Spirit. To help us. Pour nous aider. Ta decision. Pour nos décisions. To lead us. De nous guider. To guide. De nous guider. Hallelujah. Amen. Are you here? Yeah, but it's not as simple as that. Mais c'est pas aussi simple que ça. Because there are other voices. Parce qu'il y a d'autres voix. The other things that influence us. D'autres choses qui nous influencent. Yeah, that's why we have this verse in 1 Corinthians chapter 14, verse 10. Voilà pourquoi il y a ce verset dans 1 Corinthians 14:10. There are, it may be, so many kinds of voices in this world, and none of them is without signification. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Hallelujah. Amen. So our first thing that we need to do, the first thing we need to do. Donc la première chose que nous devons faire. Is to know the will, is to recognize the will of God. C'est de reconnaître la volonté de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Is to recognize the voice of God. C'est reconnaître la voix de Dieu. Or the voice of the Spirit. Ou la voix de l'Esprit. The voice of the Spirit is the same as the voice of God. La voix de l'Esprit est la même que la voix de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. For you to be able to stay in the will of God. Afin de rester dans la volonté de Dieu. Hallelujah. Amen. Because there are so many voices. Parce qu'il y a tellement de voix. Amen. Amen. You can be influenced by the voice of your flesh. Tu peux être influencé par la voix de ta chair. Hmm? At least we know about, is it my phone? We know about 12 voices. Nous connaissons au moins 12 voix. Hallelujah. Amen. The voice of your flesh. La voix de ta chair. Hallelujah. Amen. First of all, the voice of God. Premièrement, la voix de Dieu. The voice of your flesh. La voix de ta chair. Hallelujah. Amen. The voice of your mind. La voix de ton intelligence. Your mind can speak to you. Ton intelligence peut te parler. Your flesh can speak to you. Ta chair peut te parler. Hallelujah. Amen. The most common voice of flesh is when you are hungry. La voix la plus commune de la chair, c'est quand tu as faim. Yes, that when you are hungry. Quand tu as faim. I'm sure last week or last 2 weeks. Je suis sûr our voice was talking a lot. Que ça fait il y a deux semaines de cela. Our voice was shouting. Cette voix parlait beaucoup. Elle criait. We're fasting. Parce qu'on jeûnait. Yeah, that's the voice of the flesh. Ça c'est la voix de la chair. And the voice of your mind. La voix de ton intelligence. Hallelujah. Amen. The voice of, we'll come to that soon. On va arriver là-bas bientôt. And the voice of the devil. La voix du diable. The devil can speak to you. Le diable peut te parler. That's why that decision, you realize that it was a wrong decision. Voilà pourquoi tu te rends compte que cette décision était une mauvaise. So the devil was telling you. Parce que le diable te parlait. Hallelujah. Amen. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Do you understand the word? Est-ce que vous comprenez la parole? You like it? Est-ce que vous l'aimez? Yeah. And that the voice of a prophet. La voix d'un prophète. Prophets. Un prophète. Some of us, we like to listen to prophets. Certains d'entre nous aimons écouter les prophètes. It's not bad. C'est pas mauvais. But I have to listen to the right prophet. Mais tu dois écouter le bon prophète. Hallelujah. Amen. And the voice of your pastor. Et la voix de ton pasteur. Hallelujah. Amen. Speaking every day. Qui parle tous les jours. Every day. Every tous les day. Jours. And the voice of your friends. Et la voix de tes amis. Some of you, because of the voice of your friends, you are here. Certains d'entre vous, à cause de la voix de vos amis, vous êtes ici. Is it true or not? C'est vrai ou c'est faux? It's your friend who said, come, let's go. C'est ton ami qui a dit, allons-y. Yeah. All the most common voice that influence us. Donc, ça sont les voix les plus communes qui nous influencent. It's the voice of our friends. C'est la voix de nos amis. Yeah. So, if you don't have a good friend. Donc, si tu n'as pas un bon ami. Likely not to take good decisions. Tu risques de ne pas prendre de bonnes décisions. Do you understand that? Est-ce que vous comprenez? Yeah. That's why you need to have a good friend. Voilà pourquoi tu dois avoir un bon ami. Who is influenced by the Holy Spirit? Qui est influencé par le Saint-Esprit. Yeah. Because you are always with your friend. Parce que tu es toujours avec you tes amis. You always talk to your friend. Tu parles toujours à tes amis. And so you are like you obey your friend more than obeying your pastor. Donc tu obéis à ton ami plus qu'à ton pasteur. Is it true or not? C'est vrai ou c'est faux? You obey your friend more than you obey God. Tu veux obéir à ton ami plus que tu n'obéis à Dieu. It's true. C'est vrai. It's true. C'est vrai. It's true. C'est vrai. Yeah. It's true. It's very dangerous. C'est so très if you dangereux. Have a bad company, donc si tu as une mauvaise compagnie, it's going to affect you. Ça va t'affecter. And the voice of your parents. Et la voix de tes parents. Yeah, it's a voice, very important voice. C'est une voix très importante. The voice of your spirit. La voix de ton esprit. Because we are spirits. Parce que nous sommes esprits. Hallelujah. Amen. We are spirits. You are nous a spirit. Esprits. I'm a spirit. Tu es un esprit. Je suis un esprit. The voice of your spouse. La voix de ton partenaire. If you are married. Si tu es marié. Yeah. The voice of your husband or the voice of your wife. La voix de ton mari ou la voix de ta femme. Or if you have a beloved, the voice of your beloved. Si tu es bien-aimé, la voix de ton bien-aimé. Hallelujah. Amen. Here we don't encourage the voice of your girlfriend. Ici on n'encourage pas la voix de ton petit ami ou ta petite amie. Nobody here say, I have a girlfriend, I have a boyfriend. Personne ici ne doit dire j'ai un petit ami ou une petite amie. Is there somebody who has boyfriend, girlfriend here? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une petite amie, une petite copine ici? Please. You are the wrong place. Tu es au mauvais endroit. You shouldn't. Tu ne devrais pas. Hallelujah. Amen. You should have a recognized relationship. Tu dois avoir une relation reconnue. Which is leading to marriage. Qui conduit au mariage. Which is clear. Qui est clair. We know. Nous savons. Hallelujah. Amen. Yeah. Not that one that you hide. Pas behind, celle-là que tu caches. You hide behind the wall and que tu caches derrière les murs et tu te caches pour faire ça. We don't want that. Nous ne voulons pas ça. Hallelujah. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Okay. I like to ask, do you understand? Because some people don't understand what I say. J'aime demander si vous comprenez parce que certaines personnes ne comprennent pas ce que je dis. Sometimes. Parfois. The voice of circumstances. La voix des circonstances. Yeah. That one. The circumstances dictate. Les circonstances dictent. The circumstances will talk to us all the time. Les circonstances vont nous parler à chaque fois. Hallelujah. Yeah. So it can influence your decision. Donc ça peut influencer tes décisions. Hallelujah. Amen. And the voice of your own will. Et la voix de ta volonté. Hallelujah. Amen. Your own will. La voix de ta volonté propre. Et la volonté de But Dieu. But God has also given us our will. Et Dieu nous a aussi donné God notre volonté. God does not force us. Dieu ne nous force pas. He shows us the way. Il nous montre le chemin. And he wants us to decide. Et il veut que nous décidions. Hallelujah. Amen. Are you here? Yeah. That's why sometimes you don't have to force people. Voilà pourquoi parfois vous n'avez pas besoin de forcer les gens. You can anakazo, but at a point you have to leave the person. Tu peux faire anakazo, mais à un moment donné, tu dois laisser la personne. Is that a good idea? Est-ce que c'est une bonne idée? Yeah. So all these forces are in play. Donc toutes ces voix jouent. Yeah, are in play in your life. Elles jouent dans ta vie. So they influence your decision. They influence you. So you find yourself, or it makes it very difficult to know the will of God. Donc ça rend ça vraiment très compliqué de connaître la volonté de Dieu. Especially when you don't know. Surtout quand tu ne les connais and pas. And when you can't differentiate them one from another. Et quand tu ne peux pas faire la différence entre elles. Hallelujah. Amen. Do you understand what I mean? Vous comprenez? Yeah. Yeah. Who is thinking, what is influencing me? Which voice am I listening to? Qui pense là maintenant que quelle est la voix qui m'influence? Who is asking yourself, which voice am I listening to? Qui se demande quelle est la voix que j'écoute? Or I'm asking, which voice are you listening to? Ou je te demande quelle est la voix que Or tu écoutes. Ask your neighbor, which voice are you listening to? Ou demande à ton voisin quelle est la voix que tu écoutes. Yeah, which voice are you listening to? Quelle est la voix que tu écoutes? Yeah. Hallelujah. Yeah. Wow. Are you with me? Yeah. Sometimes people claim. Parfois. People claim that God has spoken to me. Les gens proclament que Dieu leur a parlé. But, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Have you looked at your own will? Est-ce que tu as regardé à ta propre volonté? Have you looked at, is it your flesh? It's not your flesh. C'est pas ta chair. It's not your flesh that is talking. C'est pas ta chair qui parle. It's not your friend that is talking. C'est pas ton ami qui parle. Sometimes it's not that your friend is saying something. No. Parfois c'est pas que ton ami dit quelque chose. It's not a voice of your friend that you hear. C'est pas la voix de ton ami audibly. Que tu entends audiblement. But the fact that you are your friend. Mais le fait que tu sois avec ton ami. You behave. Et la manière dont tu te comportes. It's a whole voice. C'est toute une voix. So when you are doing something, you are thinking about your entourage. Tu fais quelque chose, tu penses à ton entourage. Yeah. Entourage. I'm thinking about entourage. People around. I'm thinking about your friends. Tu penses à tes amis. Yeah. Hallelujah. Amen. Êtes-vous là? Yeah. One day. Un jour. There was a Bible student. Il y avait un élève d'école biblique. Then he find himself in a Bible school. Il s'est retrouvé dans une école biblique. In France. Three. Avec France. Des amis, trois filles. Hallelujah. Amen. Very close. Ils sont devenus très proches. They go to church together. Ils allaient en l'église ensemble. Ils apprenaient ensemble. Ils priaient ensemble. They do things together. Ils faisaient des choses ensemble. So they became very close. Donc, ils sont devenus très proches. Hallelujah. Amen. Then they completed their last year. Donc, ils ont terminé avec la dernière année. Graduating. Et ils ont gradué. About to graduate. Ils ont. Yeah, because the guy was handsome. Parce que le gars était beau. He was caring. Il se souciait. Caring. Il était attentionné. Is that how you say? Caring. Yeah, was caring. Il était attentionné. And all the three ladies. Et toutes les trois filles. One after the other. L'une après l'autre. Came to see the guy. Sont allées voir le garçon. Differently, different. Séparément. Without the other knowing. Sans que les autres sachent. That God. Que Dieu. Has spoken to them. Leur a parlé. That they should spend. Qu'ils doivent passer. The rest of their life together. Le reste de leur vie ensemble. Yeah, he was a promising good husband. C'était un bon mari à venir. Yeah. So all of them, one after the other. Donc toutes, l'une après l'autre. Yeah. You think that God has spoken to them? Est-ce que tu penses que Dieu leur a parlé? Why do you think that God has not spoken? Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que Dieu leur a parlé? Why do you think God has not spoken? Pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu n'a pas parlé? The three of them. Les trois. God has spoken to the three of them. Dieu a parlé à toutes les trois. So you should be careful. Say somebody say God has spoken to me when I slept. I had a dream. Donc tu dois faire attention quand quelqu'un te dit Dieu m'a parlé. Then quand je me suis endormi, j'ai eu un rêve. Je me suis vu sur la mer. There's a cross on the sea. Il y avait une croix sur la mer. And we are walking together. Et on marche ensemble. We are going to. This morning, my wife sent me a picture. Ce matin, ma femme m'a envoyé une photo. Who has seen that picture? Qui a vu cette photo? WhatsApp. Une image WhatsApp. Are doing wedding reception on the sea. Les gens faisaient leur réception de mariage sur la mer. Yeah, and where they are is a cross. Et où ils sont, c'est like une croix. A cross on the sea. Donc une croix sur la mer. So they are having a reception on the cross. Donc ils ont la réception sur la croix. So you dreamt. Donc tu as rêvé. Then you saw yourself on the sea. Donc tu t'es vu sur la mer. And you are holding yourself together. You are walking to the pastor. Et vous attrapez et vous allez vers le pasteur. To exchange your vows. Et vous échangez les vœux. Yeah. It could be true. Ça peut être vrai. I'm not saying that it's not true. Je ne dis pas que c'est faux. Ça peut être vrai. But you have to be sure that it's God. Mais tu dois être sûr que c'est Dieu. Oh? Ou bien? Yeah. You could have a dream. You could, God could speak to you. It could be anything. Dieu peut te parler. Yeah. Même. God can speak to you in any way. Dieu peut te parler a de dream, toutes les manières. Whatever. Un rêve, une vision. But you have to be sure that. Mais tu dois être sûr it's que. It's not one of the nine voices. C'est pas l'une des neuf voix. But it is the will of God. Mais c'est la volonté it's de the Dieu. The voice of God. C'est la voix it's de Dieu. It's of the Holy Spirit. C'est la voix du Saint-Esprit. You see how it's very difficult. Vous voyez comment c'est très compliqué. Very difficult. Très compliqué. So when you are taking a decision for relationship. Donc quand tu prends une décision pour les relations. Some of you don't even pray. Certains d'entre vous ne priez même pas. Then you go and ask the pastor. Et tu vas demander au pasteur. Me, I don't know. God has moi, je ne sais pas. Dieu ne m'a pas parlé. Je ne sais pas. God has not spoken to me, to you, Nenega. Me, I don't know. Dieu ne m'a pas parlé de vous. Oh, mais I have not heard. Oh. Moi, j'ai pas écouté. Toi, tu as écouté. You have heard. Toi, tu as écouté. Alléluia. Mais I can just show you the word of God. What parfois, je vais juste te montrer la parole, ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. So you have to be sure. Donc, tu dois être sûr. You have to pray. Tu dois prier. Yeah. You have to pray. Tu dois prier. You have to pray. Tu dois prier. Even when you had a dream. Même quand tu as eu un rêve. You prayed? As-tu prié? Have you prayed? As-tu prié? Have you spent time to see the face of God? As-tu passé du temps à chercher la face de Dieu? Have you taken time to eliminate all the other voices? As-tu pris du temps pour éliminer toutes les autres voix? It's not because you get up and you have erection, so you think that you have to. C'est pas parce que tu t'es réveillé et tu as eu une érection que tu penses que. You saw the girl, so. Donc quand tu as eu une érection, tu as vu la fille. Is it not your flesh? C'est pas ta chair. Oh? Ou bien? Is it not because of the car or the riches of the person? C'est pas à cause des voitures et les richesses de la personne. It's not because of the money. C'est pas à cause de l'argent. Is it not because the person is caring? C'est pas parce que la personne est attentionnée. Yeah, it's good. The person could be caring, but is it the will of God? C'est bien. La personne peut être attentionnée, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? I'm not saying that money is not good. Tu ne dis pas que l'argent n'est pas bien. I'm not saying that the person does not have to be handsome or beautiful. Je ne dis pas que la personne ne doit pas être beau. I'm not saying that the person shouldn't be caring. Je ne dis pas que la personne ne doit pas être attentionnée. Hallelujah. Amen. All these things are secondary. Toutes ces choses sont secondaires. The first thing is it the will of God? La première chose est-ce que c'est la volonté de Dieu? Yeah. The Bible student, he didn't marry any of the three. Et ce garçon, il n'a marié aucune des trois. Because God has not spoken to him. Parce que Dieu ne l'avait pas parlé. Are you here? Êtes-vous ici? Yeah, so 2 weeks by the grace of God. Donc les semaines suivantes par la grâce de Dieu. We'll talk about the how to hear the word the voice of God. Nous allons parler de comment écouter la voix de Dieu. Comment how être guidé? Comment être guidé? Hallelujah. Amen. How to be led? Comment être conduit? By the Holy Spirit. Par le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you blessed? Êtes-vous béni? How to be led? How comment to be être led? Conduit? Let me read this verse and then we'll close. Lisons ce verset et nous allons terminer. Pardon? You want more? John chapter 1 verse 12. Jean chapitre 1 verset 1. John chapter 1 verse 12 says what? Jean 1 12. John chapter 1 verse 12 says what? Jean 1 12 dit quoi? Who knows that verse? Qui connaît ce verset? It's a verse that every Christian should know. C'est un verset que tous les chrétiens doivent connaître. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Hallelujah. John chapter 1 verse 12. Jean chapitre 1 verset 12. Hallelujah. As many as are led by the Spirit of God. Ah, is it this one? Romans chapter 8 verse 12. Is it 12? Romans chapter 8 verse 12. Romains 8. Okay. Oh, okay, okay. This one is salvation, okay? Romans chapter 8 verse 14. Romains 8 verset 14. As many as you must be led. Tous ceux qui sont conduits, donc tu dois être conduit. Spirit of God, you are a son of God. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Si tu es conduit par Satan, by the devil, then, par le diable, then who are you? Donc tu es qui? Yeah, as many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Yeah. Many are led. Ceux qui sont conduits. As many as are led. Ceux qui sont conduits. As many as are led. Ceux qui sont conduits. In the morning. Quand tu te lèves le matin. Holy Spirit lead me. Saint-Esprit guide moi. Holy Spirit guide me. Saint-Esprit conduis moi. Holy Spirit lead me. Saint-Esprit, conduis-moi. Holy Spirit, show me what to do. Saint-Esprit, montre-moi quoi faire. Speak to me. Saint-Esprit, parle-moi. Speak to me. Parle-moi. The Holy Spirit can be your companion. Le Saint-Esprit peut être ton compagnon. Be your friend. Il peut être ton ami. Hallelujah. Amen. You can hear the Holy Spirit. Tu peux écouter le Saint-Esprit. You can be led. Tu peux être conduit. Hallelujah. Amen. You can be led. Tu peux être conduit. Do you believe it? Est-ce que vous croyez? Can be led. Tu peux être conduit. You can be led. Tu peux être conduit. You can be led. Tu peux être conduit. Has to close our eyes. Donc je veux que nous fermions les yeux. And speak to the Holy Spirit. Parle au Saint-Esprit. I want to be led. Je veux être conduit. I want you to lead me. Je veux que tu me conduises. I want you to guide me. Je veux que tu me guides. I want you to lead me. Je veux que tu me conduises. I want you to speak to me. Je veux que tu me parles. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Holy Spirit, lead us. Saint-Esprit, conduis-nous. Guide us. Guide-nous. Speak to our hearts. Parle à nos cœurs. Speak to our hearts. Parle à nos cœurs. Tell us to stop. Dis-nous d'arrêter. Tell us. Stop. Dis-nous d'arrêter. When we are going wrong, quand nous sommes sur mauvais tell chemin. Us to stop. Dis-nous d'arrêter. When we are going wrong, quand nous sommes sur mauvais chemin. Good decision. Quand ce n'est pas une bonne décision. Prompt us. Amène-nous. Prompt us. Amène-nous. Prompt us. Rappelle-nous. Tell us to stop. Demande-nous d'arrêter. Mind us. Rappelle-nous. Where? De ta parole. Mind us. Rappelle-nous. Speak to the Holy Spirit. Parle au Saint-Esprit. Speak to the Holy Spirit. Parle au Saint-Esprit. Holy Spirit, help me. Help me, help me, help me. The Holy Spirit is our helper. It's our helper. It's our comforter. He will comfort you. He will comfort you. He will help you. In your weakness, He will help you. When you are confused, He will be there to help you, to help you in the name of Jesus. Speak to the Holy Spirit. Tell the Holy Spirit, I want to be your companion. I want to be your friend. I want to be your friend in the name of Jesus. Oh, Holy Spirit, we need you. Without you, we are lost. Without you, we can't go. That's what Moses said. Moses said, if you don't go with us, if your presence don't go with us, if you don't lead us, we cannot go. If you don't lead us, we cannot go. And Holy Spirit, we are saying, if you don't lead us, we can't go. We can't take that decision. We need you to lead us. We need you to guide us in the name of Jesus. Oh, Holy Spirit, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for giving us understanding. Thank you for giving us wisdom. Thank you for giving us wisdom. Thank you for giving us knowledge. Oh, in the name of Jesus, pray for wisdom. The wisdom of the Holy Spirit. The knowledge of the Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, thank you. Thank you for being there. For being a helper. For being a helper. In the name of Jesus Christ. Holy Spirit, we thank you. We bless you. In the name of Jesus. Hallelujah. Are you blessed? Are you blessed? Êtes-vous béni? Shall we clap our hands for the Lord? Applaudissons pour le Seigneur. Are you going to be coming Thursday? Est-ce que vous allez venir les jeudis? So that we can learn how to be led. Afin que nous apprenions comment être guidés. And learn about the Holy Spirit. Tu peux apprendre sur le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous ici? We'll learn about the flesh. Nous allons apprendre we'll au sujet de la chair. The mind. Sur l'intelligence. Hallelujah. Amen. Learn about dreams and other things. Nous allons apprendre sur les rêves et autres choses. About prophets, how you have to relate to the prophets. Comment est-ce que tu dois te comporter avec les prophètes? Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous ici? It's going to help you. Ça va t'aider. So that you minimize the mistakes. Afin que tu minimises les erreurs. You minimize some of the bad decisions. Tu minimises les mauvaises décisions. Hallelujah. Amen. Are you here? On est parti. Nous voulons clôturer le service. Hallelujah. Please close your eyes as we are here. Fermez vos yeux. Maybe somebody invited you. Peut-être quelqu'un t'a invité. Or you've been coming. Ou tu as l'habitude de venir. But you are not saved. Mais tu n'es pas sauvé. You have not received salvation. Tu n'as pas reçu le salut. You have not received Jesus Christ as your savior. Tu n'as pas reçu Jésus comme ton sauveur. We are going. The healing Jesus is going to countries. La campagne Jésus qui guérit va dans les pays. He's going to villages. Ça va dans les villages. And making a lot of sacrifices. Et ils font beaucoup de sacrifices. Because of souls. À cause des âmes. Because of people who are not saved. À cause des personnes qui ne sont pas sauvées. And it will be too bad if you are here. Il serait très mauvais si tu es ici. And you are not saved. Et tu n'es pas sauvé. And so tonight, just an invitation. Donc aujourd'hui, c'est juste une invitation. You want Jesus Christ to come into our heart. Tu veux que Jésus vienne dans ton cœur. To be your Savior and your Lord. Être ton Sauveur et ton Seigneur. Lift up your hands. Lève ta main. And let's pray. Et prions. Lift up your hands. You want to be saved. Tu veux être sauvé. You know, you yourself know. Nobody knows. You know that you are not saved. Toi-même, tu sais que tu n'es pas sauvé. God wants to save you. Dieu veut te sauver. The Bible says that He loves us. La Bible dit qu'il nous aime. He loves you just as you are. Juste comme tu es. And want you to be saved. Il veut que tu sois sauvé. He doesn't want you to go to hell. Ne veut pas que tu ailles en enfer. He wants you to go to heaven. Il veut que tu ailles au paradis. And tonight, if you are here, lift up your hands. Donc ce soir, tu es là, give your life to Christ. Donne ta vie à Christ. Give your life to Christ. Donne ta vie à Christ. Father, we bless you. We thank you tonight for your mercy and grace. We thank you for salvation. We thank you for eternal life. Father, we thank you for your forgiveness. We give you all the glory in the name of Jesus. And everyone say amen. Amen.